Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on part à la recherche d'or. Comment ça va Sophie? Eh bien écoute, très bien, plutôt bien, il fait de plus en plus chaud ici à Johannesburg, donc on rentre dans l'été, et ma foi c'est pas désagréable. Eh bien écoute, nous allons rentrer dans l'automne, même si l'automne jouera sans doute les prolongations comme... L'été jouera les prolongations comme chaque année, voilà, oui. Donc on va encore se taper des températures extrêmement élevées. Mais oui, effectivement, on a les oiseaux qui se rassemblent, les hirondelles de fenêtres qui volent et qui se rassemblent elles-mêmes pour le grand départ vers l'Afrique. Oh, voilà. Oh, on va bientôt les voir arriver par chez nous, du coup. Peut-être pas les miennes, mais oui, effectivement. Il y en a qui se baladent assez loin quand même, hein, mine de rien. Donne-leur un message, on sait jamais, ça pourrait peut-être arriver. Ah bah, je vais essayer d'en convoquer une, là. Dans une précédente rétro, on avait dit que les hirondelles avaient été utilisées comme messagères hein, dans l'Empire romain. Exactement, pourquoi pas ? Mine de rien. Et pourquoi donc, est-ce qu'on ne recommencerait pas aujourd'hui hein ? C'est vrai. Je vais essayer de soumettre cette idée à la LPO en espérant obtenir une autorisation que je ne pense pas avoir, mais sait-on jamais. tout de suite. Allez, Sophie, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Parce qu'on divague, Mais revenons à nos oiseaux. Aujourd'hui, on va parler de sommeil. Et vous savez à quel point c'est important le sommeil quand même. Hein et peut-être pour les oiseaux aussi, après tout. Et moi, comme je l'ai dit en introduction, on va partir aller chercher de l'or. On va plutôt partir dans les mines d'or de Guyane. Et on va essayer de savoir si les oiseaux, ils apprécient plus ou moins les fermetures de ces mines-là. Puisque vous savez que la Guyane, il y a énormément de mines d'or là-bas. Et donc, évidemment... on détruit l'écosystème pour ça, si on abandonne les mines, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce sera l'objet de la seconde partie de l'émission. Sophie, on va démarrer la rétro. On va la démarrer malheureusement par une rubrique nécrologique, puisqu'on a appris la disparition d'Hermann Heinzel à l'âge de 86 ans. Il s'est éteint donc dans le Gers, dans lequel il séjournait depuis 1979. Alors, Hermann Heinzel, vous ne le connaissez peut-être pas, et pourtant c'est l'un des auteurs les plus importants de l'ornithologie, on va dire contemporaine, puisqu'il a été l'illustrateur du Guide des oiseaux d'Europe en 1963, première fois qu'il avait été contacté donc par Collins, je crois, donc les fameux guides hein, qui donneront par la suite le guide ornitho que l'on connaît de notre côté. Mm-hmm. C'est un livre qui a été traduit en 17 langues, et il est tellement important qu'il a même été traduit dans certaines langues par le Heinzel. Voilà. On ne parle pas de guide d'oiseaux d'Europe, on parle de guide Heinzel. C'est pour vous dire l'importance de cette personne. Et puis dans le Gers, installé comme je l'ai dit depuis 1979, il a participé à la fondation du premier club ornitho du département. Et puis il l'a quitté. Est-ce que tu sais pourquoi Sophie il l'a quitté ? L'anecdote est absolument formidable. C'est pas une histoire de pigeon, ou de loriot, je sais plus. Exactement, c'est une histoire de loriot. Puisque Hermann Heinzel était certes ornithologue, il appréciait voir les oiseaux avec ses jumelles, mais il appréciait également voir les oiseaux dans son assiette. Et effectivement, il raconte qu'un jour où il circulait en voiture, il a percuté un loriot. Donc il l'a récupéré, il l'a peint et il l'a mangé. Et il précise, c'était la fin de l'été, il s'était gavé de figues, il était délicieux. Voilà. Et ça n'avait pas forcément... Ça n'avait pas forcément eu bonne presse à l'époque dans la communauté ornitho. Mais voilà, Hermann Heinzel, très très grand personnage qui a écrit d'autres ouvrages. Hein. Le dernier sur lequel il a travaillé, c'est Birds of Napa, à ma connaissance, qui était sorti en 2006 et qui parlait des oiseaux de la vallée californienne. Eh bien, c'est bien triste parce que quand même, moi je me souviens de tous ces guides ornitho que j'ai regardés avec passion étant toute petite, et beaucoup de ces dessins étaient des dessins d'Hermann. Donc on le remercie quand même pour tout ce temps passé à peindre nos chères bestioles à plumes. Absolument. Tu as eu l'occasion de le croiser, toi, de ton côté? Hélas, non. J'aurais bien aimé, mais bah non. Du coup, ça n'a pas été le cas du tout. Et du coup, ça ne sera jamais le cas. J'en ai peur. Donc bon, tant pis. Moi, de mon côté, une petite news. Pas grand-chose, si tu veux bien. Bah vas-y, peut-être des nouvelles réjouissantes, du coup. Je sais pas. En fait, je me suis intéressée tout à fait par hasard à des produits anti-oiseaux. On a des choses qui sont anti-moustiques, des produits qui permettent tout simplement d'empêcher que les moustiques viennent se poser sur vous, parce que ça les repousse, hein, ça repousse les moustiques en quelque sorte. Eh bien, il semblerait qu'il y ait des gens qui aient fait la même chose pour des produits anti-oiseaux, et je n'étais pas du tout au courant, donc j'ai regardé, je me suis intéressée au sujet. Ok. Ça s'appelle pas des pesticides, ça, les produits anti-oiseaux? Et bah, du coup, non, vu que ça, c'est les produits anti-moustiques qui sont des pesticides, mais les produits anti-oiseaux, bah, du coup, non. Okay. Et en fait, il paraît que ça existe et qu'il y en a plein. Alors, il y en a beaucoup qui ne servent à rien. Il y a une étude qui a étudié plus de 1500 produits différents qui sont censés repousser les oiseaux. Parmi ces 1500 produits, il y en a à peu près 4% qui ont un effet. Alors, un effet à plus ou moins long terme, c'est-à-dire que la plupart sont des choses qu'il va falloir réappliquer régulièrement, surtout après la pluie. Et en plus, ça ne fonctionne que très partiellement. Hein. C'est des produits qu'on va mettre principalement sur les graines, sur les fruits, enfin bref, pour protéger les vergers et ce genre de choses, des attaques d'oiseaux, donc frugivores notamment. Et ça va être des molécules qui vont être assez désagréables à manger pour les oiseaux dans ces cas-là. Qui vont leur donner soit un sale goût dans la bouche, soit leur donner des voilà, soit c'est des goûts très très piquants qui sont très désagréables, c'est ce genre de choses. Donc c'est des molécules qui sont pas dangereuses pour nous spécialement, mais c'est des molécules qui peuvent être assez désagréables à manger pour les oiseaux. Et donc ça marche, t'as un effet plus ou moins relatif en fonction des cas, donc les gens n'en mettent pas beaucoup et c'est pour ça qu'il y a pas grand monde qui les utilise. Donc sachez-le, si vous utilisez un produit comme ça où il y a marqué repousse oiseaux ou pesticide anti-oiseaux ou un machin du style, je ne sais pas, sachez que dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas. C'est complètement faux, donc ne mettez pas votre argent là-dedans. Et pour ceux qui fonctionnent un petit peu, bah c'est très relatif, donc ne perdez pas votre temps à ça. Il y a certainement d'autres solutions qui existent si vous n'avez pas envie de voir les oiseaux visiter votre verger. Donc voilà. On est d'accord, ce sont des produits qui repoussent les oiseaux, pas qui les tuent. Qui repousse uniquement, non, qui les tue pas, okay. Non, pas du tout. Bah moi je vais parler d'oiseaux qui va malheureusement être à nouveau chassé, puisqu'on a appris il y a quelques temps la réautorisation de la chasse à la tourterelle des bois, voilà, pour la saison 2025-2026, la tourterelle pourra être rechassée en France, la tourterelle des bois. L'ensemble du nombre de spécimens a été fixé à 10 560, donc les prélèvements ne pourront pas aller au-delà. Alors, il est assez intéressant de savoir pourquoi on a eu une réautorisation de cette chasse. Eh bien, c'est une décision qui s'appuie notamment sur la recommandation européenne qui constatait un rétablissement relatif de la population des oiseaux sur les 3 dernières années, entre 2021 et 2024, avec une augmentation de plus de 610 000 nouveaux couples. Répartis notamment en Europe de l'Ouest. Justement, les autorités ont constaté que comme ça se passait plutôt bien pour la reproduction sur ces 3 dernières années pour la tourterelle des bois, on a décidé de réintroduire la chasse à cet oiseau. À noter que les effectifs ont diminué de 80% en 15 ans en France. Et au Royaume-Uni, c'est encore pire puisqu'on est sur quasiment un taux d'éradication total. 99% des effectifs ont été perdus au Royaume-Uni en 65 ans. Voilà. C'est gigantesque. Et à noter qu'il y a entre 13 et 48 millions d'individus au dernier compte de 2019, selon la Red List, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ce qui est beaucoup et pas beaucoup, et surtout ça fait une très grande amplitude, donc on a finalement assez peu de visibilité sur réellement le devenir de l'espèce. Bon, ben moi je vais parler d'un oiseau qui a disparu il y a déjà longtemps, très longtemps. Est-ce qu'on peut le ressusciter, lui ? Il s'agit d'un fossile, alors je suis pas sûre. En gros, on part en Nouvelle-Zélande, sur les îles Chatham. Donc okay. C'est des îles qui sont à peu près au sud-est de l'archipel néo-zélandais. Et sur ces îles Chatham, on a découvert donc un nouveau squelette de Tadorn. Donc les Tadorn, ce sont des sortes de canards qui ressemblent assez généralement plutôt à des oies en fait. Donc c'est des fausses oies en quelque sorte. Ça reste des canards. Et du coup, ce Tadorn qui a été appelé pour l'occasion. Alors je suis absolument incapable de prononcer ça, mais mettons Otaku Waka Uwaka, un truc du style, voilà. Vous m'excuserez pour la prononciation. Donc ce nouveau canard, donc ce nouveau Tadorn, était découvert sur cet archipel, et il semblerait que c'est un oiseau qui, en fait, est petit à petit perdu la capacité de voler. Donc quand il est arrivé sur l'île, il pouvait voler, hein, et puis petit à petit, on a vu que le squelette s'est modifié, et en l'occurrence, il a perdu un peu d'envergure au niveau des ailes, et il a commencé à avoir des pattes un poil plus robustes et plus grandes. Donc en fait, on était en train de passer d'un oiseau qui était volant à la base à un oiseau qui finalement commençait à perdre la capacité de voler. Ça veut pas dire qu'il ne pouvait plus voler à ce moment-là, hein, parce que tout n'était pas encore fait sur les squelettes qu'on a trouvés, hein, il pouvait encore voler, mais visiblement, il y avait une certaine tendance à perdre cette capacité au vol. Certainement, d'après les chercheurs, parce qu'il n'y avait pas vraiment de prédateurs sur cette île pour ces animaux-là, et que tout était disponible sur l'île sans avoir besoin de voler, donc en termes de nourriture. Voilà, donc un nouveau squelette d'un nouvel ancêtre de nos oiseaux actuels. Fantastique. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter, Sophie, pour cette rétro ? Alors il semblerait, alors je ne l'ai pas encore vu, mais il y a un petit film qui semble intéressant, je vous mettrai le lien dans la description, et moi, je vous avoue que j'irais bien le regarder. Donc c'est quelque chose en anglais qui s'appelle Listers, A Glimpse into Extreme Birding. Donc c'est un petit film qui a été fait donc en 2025, qui est disponible sur YouTube, et qui explique comment deux... Alors, c'est deux frères, il me semble, se sont lancés donc dans un big year sans vraiment avoir jamais vraiment fait d'ornitho avant. et ils sont partis donc essayer de voir un maximum d'oiseaux, notamment sur le continent américain, nord-américain. Et ils racontent tous les imprévus, tous les trucs que généralement on ne raconte pas parce que c'est vraiment des choses qui nous arrivent à tous quand on va essayer d'observer des oiseaux dans la nature, que soit on tombe en panne, que soit les jumelles elles sont cracra, on n'a rien vu, enfin bref, tout plein de petits trucs comme ça, et c'est très bien raconté, c'est très marrant, et ça a l'air d'être assez intéressant. Donc je pense que je vais aller voir sur les recommandations d'autres ornitho-amateurs ce petit film. Et puis, si jamais vous le voyez, vous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Parce que pareil, ça m'intéresse. Voilà. Eh bien, sache que je suis tombé par hasard sur ce documentaire, sur ce film que je n'ai pas vu. Voilà, c'est YouTube qui me l'a mis dans mes recommandations. Donc je suis curieux. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Big Year, c'est grosso modo une année où on ne fait qu'observer les oiseaux, et l'objectif c'est d'en observer le plus possible, soit au niveau national, soit à travers le monde. Il y a beaucoup de récits qui sont relatés d'ornithologues qui partent dans plusieurs pays observer les oiseaux, notamment les plus rares. Voilà. Donc voilà ce que c'est qu'un Big Year. Eh bien merci Sophie, on va se retrouver d'ici quelques instants après une petite coupure pour parler de sommeil. Sophie, on va dormir ? Non, quand même. Eh bien j'espère que je vais pas te faire dormir, non ? Parce que bon... J'ai des trucs à raconter comme ça. Ou tu me dis, hein, si je suis trop soporifique, faut arrêter. Mais en tout cas, il y a une publication qui est sortie ce 6 août 2024, qui a été publiée dans Proceedings of the Royal Society. 2025, tu veux dire. 2025, oui. Ah, j'ai dit 2024. Autant pour moi, c'était 2024. Ah zut, bon, je me perds, hein. Il y a tellement d'années qui sont passées dernièrement, c'était... Mais c'est parce que tu viens de te réveiller, c'est pour ça. Ça doit être ça. On est raccord dans le thème. Exactement. Et donc, c'est une publication qui est en open access, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous tente. C'est une publication qui nous parle d'un oiseau dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, qui s'appelle le martin triste. Alors, est-ce que tu sais, toi, ce que c'est qu'un martin triste ? Ah, c'est un très très bel oiseau qui ressemble... c'est un peu... J'allais dire, ça ressemble à un ménate, mais ça va pas forcément aider beaucoup de gens. Mais voilà, c'est un oiseau qui a la petite larme à l'œil, jaune, voilà, d'où son nom, martin triste. Je crois qu'il a un bec orange, si je dis pas de bêtises. Jaune aussi, comme de la même couleur que ce qu'il y a autour de l'œil. Il ressemble un peu à un merle, mais non. Alors, il ressemble un peu à un merle avec la couleur, mais il fait plus penser à un loriot au niveau de la forme du corps. Peut-être c'est un poil plus bec, gros. Mais... C'est plus gros que le loriot quand même. C'est plus gros que le loriot. C'est plus de la taille d'un merle quand tu le vois en taille réelle. Donc, t'es effectivement pas loin. Hein. T'es un oiseau de la famille des Sturnidés. Qu'on appelle donc les martins, c'est assez proche des ménates, comme tu l'as dit, c'est vrai, et c'est des oiseaux qui sont particulièrement intelligents et très très très adaptables pour beaucoup d'espèces, ce qui fait qu'on les retrouve régulièrement en milieu citadin, parce que ça s'adapte très très bien à la vie avec l'homme, et c'est des choses qui sont tout à fait capables d'aller fouiller dans une poubelle et d'ouvrir la poubelle en question hein, sans problème. Donc, c'est des cacatoès en fait. C'est des cacatoès. C'est un poil plus petit qu'un cacatoès quand même. Mais et ça fait pas le même bruit non plus, hein, je vous assure. C'est moins bruyant qu'un cacatoès. Et ce sont des espèces qui commencent d'ailleurs pour certains martins à s'exporter plutôt dans d'autres pays et à devenir très envahissantes parce qu'elles prennent la place d'autres espèces. Donc par exemple, en Afrique du Sud, on a ce qu'on appelle. Alors, j'ai pas le nom en français, mais en gros, en anglais, on les appelle des maïnas, pas des martins, des maïnas, et donc ici, on parle de maïnas d'Inde, en Afrique du Sud. Les ménates d'Inde, puisque maïna, c'est Great Maïna, c'est le ménate religieux, du coup. Donc, je suppose que ça doit être des ménates en français. Non, c'est des martins, je crois. Mais du coup, là, ça doit être le martin d'Inde qu'on a. Et du coup, ces oiseaux-là sont tout à fait capables de s'expatrier dans d'autres pays et de prendre la place d'autres espèces. Donc c'est assez intelligent, c'est très adaptable, c'est mignon, comme tu l'as dit, ça a des belles couleurs. Et le chant n'est pas désagréable non plus, hein, c'est pas un truc trop criard, c'est plutôt sympa. Par contre, dans les endroits où il vit, généralement c'est considéré comme... c'est pas exactement un rat volant, mais on n'en est pas loin. Généralement les gens ne les aiment pas trop, parce qu'il y en a partout. C'est très opportuniste. Hein. Donc, ces oiseaux-là, c'est des oiseaux parfaits quand on a envie de faire une petite étude, parce qu'il y en a partout. C'est tellement simple à récupérer que c'est pas très compliqué. Et on va pas vous dire « Oh mon Dieu, vous avez mis cet oiseau protégé en cage pour faire une étude !» Non, parce que tout le monde s'en fiche. Et vous allez le voir dans l'étude, les gens sont même en train de leur demander à la fin pourquoi est-ce qu'ils les ont gardés, pourquoi est-ce qu'ils les ont étudiés. Quel intérêt, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on s'en fiche après tout? Donc... Ces oiseaux qui viennent donc d'Asie du Sud-Est sont généralement assez mal considérés, vous l'aurez deviné. Alors, cette fois-ci, ce sont des chercheurs donc qui viennent de la Nouvelle-Zélande, aujourd'hui on parle beaucoup de la Nouvelle-Zélande, hein, voilà, qui ont mis en cage 13 martins tristes. Et sur ces 13 martins tristes qui sont en cage, y a un petit groupe de chercheurs qui sont dans la même pièce avec eux. Alors vous imaginez la scène, il commence à faire nuit, et puis les martins, ils commencent à s'endormir. Sauf que, au lieu de les laisser s'endormir gentiment, les chercheurs, ils arrivent et paf, ils tapent un peu sur les cages, ils font un peu de bruit, ils parlent fort, ils bougent dans la pièce, du coup les martins s'endorment pas, tout d'un coup tout le monde est réveillé à nouveau, tout le monde regarde partout, se demande ce qui se passe, jusqu'à la prochaine phase d'endormissement, où là, ça recommence à nouveau, les chercheurs de nouveau font du bruit et empêchent les oiseaux de dormir. Quel enfer. Alors, quelle est cette nouvelle torture? Pourquoi dire de l'empêcher? Le mot est bien choisi. Hein. Ah, mais c'est de la torture d'empêcher les gens de dormir, on le sait. Bien sûr. Donc, pourquoi? Quel intérêt? Après tout, vous me direz, mais pourquoi laisser donc ces pauvres bestioles dormir? Eh bien, en fait, tout ça, c'est l'objet d'une étude très sérieuse, même si ça n'en a pas l'air comme ça. D'une étude très très très sérieuse qui donc s'intéresse comment les oiseaux donc supportent les nuits blanches en quelque sorte, mais surtout, est-ce que les oiseaux supportent bien les problèmes de pollution sonore? Pourquoi? Parce que les mainas, ou les martins en français, sont des oiseaux donc qui vivent régulièrement dans les cités ou dans les villes, et donc c'est des oiseaux qui sont assez habitués au bruit ambiant. Mais cette pollution sonore, malgré tout, a quand même un impact sur ces oiseaux-là, et le but, c'était de découvrir cet impact, et de savoir à quel point ça va changer leurs habitudes, leur comportement, et leur manière de chanter au petit matin. Voilà, donc on fait pas ça pour rien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on les empêche de dormir? Eh bien, normalement, les martins, ils ont plusieurs types de vocalisations, comme beaucoup d'oiseaux, hein. Vous avez donc le chant, plusieurs types de chants qui permettent notamment de garder son territoire, qui permettent de montrer de là où on est, on habite ici, ici c'est notre nid, c'est notre groupe, c'est notre territoire, c'est... bref, le chant, ça permet généralement d'indiquer aux autres membres de la même espèce que bah, on est là, on existe. Et on a plein de petits cris, parce que comme c'est un oiseau qui est un oiseau qui est assez qui vit généralement en groupe, pas des grands groupes forcément, mais au moins des groupes qui peuvent aller jusqu'à une dizaine d'individus facile, eh bien familiaux du coup. Ouais, généralement c'est des groupes familiaux, ouais. Et donc ce sont des oiseaux qui vont pas mal discuter pendant la journée, donc ils vont discuter un peu comme font les corvidés chez beaucoup d'espèces, hein. Ça va faire un petit couac par ici, un petit couic par là, et puis ça va pioupiouter un petit peu, et puis ça va se répondre, voilà. Donc il va y avoir une sorte de discussion, une sorte de dialogue en quelque sorte. Donc voilà, ça discute avec des petits cris en plus du chant. Alors... quand vous n'avez pas fait dormir les oiseaux, et puis les chercheurs du coup, qui étaient avec eux, parce que ça compte aussi, qu'est-ce qui se passe le lendemain matin? Mais ils se sont relayés, les chasseurs, quoi. Les chasseurs, les chercheurs. Les chercheurs, pas les chasseurs. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas précisé dans l'article. Mais j'ose espérer que oui, parce que sinon, pour écrire le rapport le lendemain, ça va être bien. Bref. Donc ces oiseaux, le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, évidemment, un peu comme quand vous n'avez pas dormi de la nuit, il va se passer que le lendemain matin, ils sont plus très frais, vos oiseaux. Donc effectivement, les premiers chants du matin, ils sont pas très très frais. Alors, choses qui vont se passer. D'une, le chant va être assez vite écourté, c'est-à-dire qu'il va pas chanter très très longtemps, l'oiseau, parce que il est fatigué, puis il en a marre, il a certainement envie d'aller dormir. Donc la durée du chant va être très raccourcie. Plus ou moins selon les individus, mais il y a quand même un net raccourcissement. Et puis de deux, le chant va être un poil moins fort aussi, et va pas forcément inclure les mêmes notes, donc votre oiseau, il est fatigué, il en a marre, il s'en fiche de ce qu'il chante le matin, il a plus la tête à ça, clairement. Donc voilà, ça c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence que moi j'ai trouvée très très marrante, c'est qu'on pourrait se dire, il va dormir l'oiseau après ça, il va fermer l'œil, de toute façon il est crevé, il va se trouver un petit coin, il va se mettre la tête sous l'aile et puis ça va être fini. Et pas du tout. En fait, je vous ai dit, c'est des oiseaux sociaux. Les mainas ou les martins, ce sont des oiseaux qui vivent en petits groupes, bon, comme tu dis, groupes familiaux ou autres, et donc c'est des oiseaux qui vont en fait s'enquérir de la bonne santé du groupe autour d'eux, qui ont besoin de cette communication. Et après passer une nuit blanche, donc en fait une nuit où il s'est passé des trucs qui n'étaient pas du tout normaux, les oiseaux, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se mettre à communiquer entre eux beaucoup plus que d'habitude. Et donc les chercheurs se sont rendus compte que tous ces petits bruits, tous ces petits cris qu'ils ont généralement pour communiquer entre eux pendant la journée, après une nuit blanche, ils étaient démultipliés. Et il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que d'habitude. Alors ils l'ont expliqué par un truc très très simple, c'est un peu comme, imagine, toi et moi, on n'a pas dormi, généralement le lendemain, tu vas te dire, ça va, t'as vu ce qui s'est passé hier soir, c'était terrible, tu te rends compte, oh la vache, et pourquoi ils ont fait ça? Bref, il va y avoir plein de petites questions comme ça, et tu vas généralement t'enquérir de la bonne santé de l'individu qui est en face de toi. Et donc là, c'est l'hypothèse qu'ils ont posée. Ils se sont dit, peut-être que comme il y a eu des choses qui se sont passées que c'est pas très normal, ils sont plus inquiets que d'habitude, plus stressés, et du coup ils ont plus besoin de cette communication entre les membres du groupe pour s'enquérir de la bonne santé du reste du groupe, pour être bien sûr que tout va bien. Et c'est pour ça que on a juste des oiseaux stressés en face de nous, et que ça pioupioute plus que d'habitude. C'est possible, hein. Après ça, on n'en sait rien. Ça, c'est une grosse hypothèse de leur part. Mais j'avoue que ça me semblerait assez logique, honnêtement. Donc voilà. Donc voilà, c'est une petite publication assez sympathique. Mais surtout, la conclusion de cette étude, et c'est là que ça devient très intéressant scientifiquement parlant, parce que jusque-là, vous allez me dire, oui, bon, c'est mignon deux minutes, mais je vois pas trop l'intérêt. Ça vaut un ignoble Nobel, hein. Oh, un peu plus que ça quand même. Oh, ouais, t'es un peu difficile là, non? Non, mais l'intérêt vraiment profond de l'étude, c'est de voir la capacité d'adaptation des oiseaux à notre environnement qui est finalement très bruyant. Imagine, tu prends donc un de ces martins tristes, tu le mets dans un environnement où il y a tout le temps des voitures qui passent, tout le temps des gens qui parlent, des bars qui sont ouverts, de la musique à fond, etc. Bah, l'oiseau, il dort pas de la nuit. Donc, quelles conséquences ça a, en fait, sur son métabolisme, sur sa manière de fonctionner, sur son comportement le lendemain? Eh ben, c'est ça, la conséquence que ça a. C'est-à-dire que si l'oiseau n'arrive pas à dormir, va y avoir des problèmes le lendemain. Il va pas forcément arriver à vocaliser correctement au niveau du chant, donc il va peut-être pas avoir la même facilité d'accès aux ressources, parce qu'il pourra pas forcément étendre le même territoire, il pourra pas forcément discuter aussi facilement, en quelque sorte, avec le reste des membres de son espèce. Il va être vachement plus sur les nerfs, parce qu'il va discuter trois fois plus avec les membres de son groupe que d'habitude. Il va peut-être avoir un taux de survie moindre dans ces cas-là, parce qu'il est plus fatigué, parce qu'il fait moins gaffe, parce qu'il est super stressé, il sait plus trop où donner de la tête. Donc il y a toutes ces conséquences-là, en fait, à la privation de sommeil chez les oiseaux, bah, comme on pourrait avoir des conséquences à la privation de sommeil chez nous, au final. Donc bon, c'était logique, en un sens, mais il fallait bien le tester. Donc voilà, la conclusion de l'étude. Tu parlais justement du fait que peut-être les oiseaux étaient plus agressifs. Hein, c'est quelque chose qu'ils ont mesuré dans l'étude. Il y avait plus d'agressivité entre les différents membres. Parce que personnellement, quand je dors mal, je suis plus agressif le matin. Mais c'est si peut-être que moi. Et après le café ou avant le café? Parce que ça compte aussi. Ah, je bois pas de café. Donc. Le thé, je sais pas, le chocolat peut-être. Ah, bois de l'eau, c'est très bien. L'eau. C'est bien. Ah ouais, Lolo, c'est très bien. Ben, je sais pas, mais là, il n'y avait pas vraiment une... Ou peut-être que les vocalisations en question, peut-être que ça démontrait de l'agressivité, ça, on n'en sait rien. Mais non, il y avait pas... ils n'ont pas enregistré plus d'agressivité que la normale. Okay. Donc, voilà. Non, c'était juste qu'ils chantaient moins bien, clairement. Et par contre, ils n'étaient pas forcément plus agressifs. Pas du tout. Outre voilà. Le chant, outre la fatigue, est-ce qu'ils ont remarqué aussi que les oiseaux se comportaient moins bien physiquement? C'est-à-dire par exemple qu'ils avaient peut-être plus de mal à voler ou peut-être plus de difficultés à se nourrir? Alors non, pour le coup du vol, ils n'ont pas noté de différence, mais il faut quand même savoir que les oiseaux étaient dans des cages. Alors du coup, pour le vol, ça va être compliqué un peu de regarder ça, vu qu'ils n'avaient pas forcément la place de voler autant qu'un oiseau qui ne serait pas en cage. Et pour la nourriture, ils n'ont pas noté de différence, en tout cas, j'ai rien vu dans l'article, ou alors ça aurait certainement été précisé si ça avait été le cas, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Cela dit, sur un animal donc en captivité, il y a évidemment des choses qui vont changer, qui sont pas comme dans la nature, ou dans un environnement urbain, parce que l'animal, dans ces cas-là, n'a pas besoin d'aller chercher sa nourriture, il a sa nourriture à disposition directement dans sa gamelle, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes un oiseau qui vivait en extérieur, où là, il va falloir effectivement voler pour aller chercher son manger. Il y aura peut-être des différences à ce niveau-là, j'imagine, parce que quand t'es fatigué, c'est pas facile de voler, je suppose. Mais là, pour le coup, c'est compliqué à tester en captivité. Ok. Ah bah, j'espère que ce sera... Non, j'espère pas que ce sera testé dans une autre étude. On va les laisser tranquilles. Laissons-les se reposer un petit peu. Hein. Ils ont l'air d'être bien fatigués. Merci en tout cas Sophie de nous avoir parlé de Martin et de sommeil. On se retrouve pour parler de mine d'or juste après une petite coupure. Sophie, on s'envole pour la Guyane. Voilà, la dernière fois qu'on avait parlé de la Guyane, on avait parlé de la harpie féroce. Oh. On reparlera pas de la harpie féroce ici. On va parler d'une étude de Sean Glynn et son équipe menée sur les plateaux de Guyane. Alors, contrairement à ce que l'on pourrait penser, les plateaux de Guyane, c'est pas uniquement en Guyane. C'est 26% de l'Amazonie. C'est énorme. Hein. 26%. 2,3 millions de kilomètres carrés entre Guyane, Suriname, Brésil, Venezuela et Colombie. Voilà. Wow. Et donc, attention, c'est dans cette partie que l'étude a été menée, sachant que 20% de l'Amazonie ont déjà été perdus en 30 ans dû à plusieurs facteurs, l'expansion agricole bien sûr, la déforestation, l'urbanisation, mais aussi eh bien, les mines, le minage, qui est finalement quelque chose d'assez peu connu dans les différentes études scientifiques. Et pourtant, on considère que 9% total de la forêt pourrait être perdue en Guyane à l'horizon 2043, donc c'est demain, si on ne fait rien pour eh bien, arrêter ces mines d'or, qui sont responsables d'ailleurs de plus de 90% de la déforestation en Guyane. Je suppose, c'est pas précisé dans l'étude, mais je suppose que pour le coup, c'est en Guyane. Et ces petites mines d'or, bah, elles sont problématiques parce qu'elles créent, et tu vas nous expliquer, Sophie, d'ici quelques instants ce que c'est, un endroit où la biodiversité est assez faible et où finalement, eh bien, elle ne peut pas vraiment interagir avec le reste de l'environnement. Ça s'appelle un système d'écosystème fermé, c'est ça ? Après, ça dépend du type de mine d'or que tu as. C'est des mines d'or à ciel ouvert, j'imagine, en Guyane ? Oui, c'est à ciel ouvert, ouais, absolument, oui. D'accord. Oui, oui. Parce que nous, ici en Afrique du Sud, on a des mines d'or, mais elles sont fermées, il faut creuser pour aller dedans. Donc un système écologique clos, c'est en fait un système écologique qui n'a pas d'échange avec l'extérieur. Donc faut imaginer, c'est un peu comme si vous mettiez les trucs dans une serre et que bah voilà, c'était fermé et puis il n'y a pas de choses qui rentrent, il n'y a pas de trucs qui ressortent. Donc évidemment, dans un environnement clos comme celui-là, bah, c'est difficile si vous avez par exemple besoin de ressources qui se trouvent à l'extérieur, bah, vous ne pourrez pas y accéder. Donc vous allez disparaître. Donc c'est un peu difficile pour certains. Et donc voilà, c'est ce que sont que ces mines, hein, des systèmes écologiques fermés, comme tu l'as si bien décrit. Les chercheurs, ils ont investigué ces mines, ils en ont investigué 16 qui ont été analysées à l'est du fleuve Essequibo entre février 2022 et mars 2023, pendant la saison sèche. Ils ont fait des prélèvements d'oiseaux, mais ils ont fait aussi des prélèvements sur la végétation. Et on va voir pourquoi, dans la conclusion, ces prélèvements sur la végétation sont importants. Ils ont prélevé au centre du minage, en bordure du site, à 100 mètres du site et dans 5 sites contrôle qui sont séparés d'au moins 1 km. Et par site contrôle, on parle évidemment de forêt vierge qui n'a pas été touchée par la main de l'homme. La qualité des sols de la mine a également été identifiée, savoir si par exemple on avait du sable blanc, etc. etc. Et les oiseaux, bah, ils ont été capturés au filet. Toutes les recaptures et espèces uniques n'ont pas été prises en compte dans l'étude. Donc si par exemple il y a un individu qui a été capturé d'une espèce particulière unique, eh bien celle-ci n'a pas été comptée, et un oiseau qui a été capturé deux fois ou trois fois n'a été compté que pour une seule prise. Et au total, ce sont 1758 oiseaux qui ont été capturés de 134 espèces à travers les 21 sites de l'étude. Le plus représenté, c'est le Tangara à bec d'argent. Voilà, 193 captures, ce qui est beaucoup. Donc le Tangara d'argent, c'est un oiseau rouge, avec un bec de gros bec. Le gros bec casse-noyau, vous connaissez, qui est tout orange, avec un peu de liseré bleuté, notamment sur le bord de l'aile. Ben voilà, ça ressemble un petit peu à cette morphologie-là. Mais on a d'autres oiseaux, avec par exemple le tyran mélancolique, qui ressemble à une grosse bergeronnette des ruisseaux, le martin pêcheur vert. Donc bah, c'est un martin pêcheur avec une poitrine rousse qui ressemble un peu à celle du rouge-gorge et un dessus vert. Et le batara souris, qui est un genre d'accenteur, mais comme si on l'avait pressé au mixeur. Et donc du coup, ça nous donne un accenteur un petit peu plus ramassé. Voilà. Peut-être pas au mixeur, mais en tout cas sous la presse hydraulique. Ne faites pas ça chez vous. Ne soyez pas comme Hermann Heinzel, ne mangez pas vos oiseaux. Ne me les passez pas au mixeur, bref. Merci. Alors sur les 505 oiseaux dépendants de la forêt capturés au cours de cette étude, 75 se trouvaient dans le centre de la mine. Et la plupart étaient des colibris. Voilà. Donc deux espèces de colibris qui ont été représentées. Mm-hmm. qui ont été donc décelés dans cette zone-là. Et le nombre plus élevé d'espèces d'oiseaux dépendant de la forêt a été capturé à la lisière de la mine, donc à 100 mètres, justement. Vous avez dit qu'on faisait des prélèvements au centre, juste à côté et à 100 mètres. Eh bien, c'est justement dans cette lisière à 100 mètres que les espèces dépendantes de la forêt ont été les plus nombreuses. Mais il y a une petite surprise, Sophie. C'est qu'on a plus d'espèces présentes au centre de la mine que dans les forêts vierges. Oh, mais quelle surprise ! Incroyable ! Mais oui, c'est intéressant. Alors pourquoi ? Eh bien, les chercheurs l'expliquent parce qu'il y a une abondance d'espèces généralistes, plus la possible fragmentation de l'habitat. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avec le système écologique clos, eh ben, tous les oiseaux restent dans la même zone, alors que les oiseaux qui sont aux abords de la forêt, eh bien, peuvent échanger directement avec la forêt, et donc ont un territoire beaucoup plus important que celui qui est à proximité de la mine. C'est en tout cas comme ça qu'ils expliquent le fait que, eh bien, on ait des espèces généralistes qui soient plus importantes au centre des mines que plus loin dans la forêt. Voilà. Alors, il y a moins d'espèces dépendantes de la forêt qui sont détectées au centre des mines, ce qui est logique, hein, puisqu'on a beaucoup moins de forêts au centre des mines, jusqu'à 2 décennies après leur abondance. Il faut savoir qu'il y a des mines qui ont été abandonnées très récemment, donc 2-3 ans, et des mines qui ont été abandonnées assez longtemps, il y a plus de 20 ans. Donc même après 20 ans, on a beaucoup moins d'espèces de la forêt qui passent. Mais avec le temps et l'abandon des mines, on observe des rétablissements de la vie faune du sous-bois avec un plus grand nombre d'espèces dépendantes de la forêt à la lisière des mines abandonnées depuis plus longtemps. Et ça s'explique comment ? Bah, ça s'explique parce qu'on a une végétation qui devient de plus en plus buissonnante, et donc, eh bien, on a des oiseaux qui petit à petit s'accaparent justement les zones de forêt qui étaient auparavant, eh bien, complètement détruites par justement l'installation de ces mines. Et c'est là où on va arriver à des résultats assez intéressants, c'est que les espèces dépendantes de la forêt et les insectivores, eh bien, étaient associées à une couverture de la canopée plus élevée, ce qui est logique, hein, puisque les insectes sont davantage présents dans les arbres, et donc bien sûr, eh bien, les oiseaux les suivent également. Mais on a trouvé, comme je l'ai dit tout à l'heure, des colibris à proximité notamment du centre des mines. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que des plantes à fleurs, comme Heliconia, qui est très connue dans le monde ornithologique et qui, on va dire, est une plante affectionnée par les colibris, eh bien, elles sont connues pour prospérer dans les clairières forestières. Et justement, succession écologique, donc grosso modo, eh bien, ce sont les différentes étapes qui permettent de passer de la roche nue à la forêt. On va simplifier le tout comme ça. Eh bien, dans votre succession écologique, vous avez le stade buisson. Eh bien, c'est dans ce stade buisson, donc, au moment où justement la forêt est en train de, on va dire, de reprendre ses droits, de se régénérer, eh bien que ces fleurs apparaissent et donc que les colibris sont beaucoup plus importants. Et d'ici une quinzaine, une vingtaine d'années, eh bien les arbres vont prendre le relais et les colibris vont se déplacer dans d'autres zones où ils pourront trouver leur nourriture. Mais il y a quand même un souci, c'est que même après 20 ans, plus de 20 ans, aucun rétablissement complet de la communauté d'oiseaux n'a été observé. Néanmoins, bah, y a encore beaucoup de recherches à faire, puisque comme je l'ai dit précédemment, on a assez peu de recherches qui ont été réalisées sur les mines et sur leurs différentes conséquences sur la vie faune, mais aussi sur l'écologie et sur l'environnement et sur la biodiversité au sens général du terme. Donc voilà pour cette petite étude qui nous envoyait en Guyane. Alors tu disais, plus de 20 ans après, c'est toujours pas revenu, donc la quantité d'oiseaux, ou surtout les quantités d'espèces disponibles, présentes sur site. Ils sont pas... Ils sont pas aussi complets dans le papier. Ils disent effectivement qu'il n'y a pas de rétablissement complet de la communauté d'oiseaux, mais ils précisent pas si c'est une communauté d'espèces ou si c'est une communauté d'individus. Mais je pense que ça doit être lié entre la végétation et la vie faune. Et donc, dans ce cas, on serait sur le nombre d'espèces plutôt que sur le nombre d'individus, ici. D'accord. En l'occurrence. Mais c'était pas précisé dans l'étude, ou alors j'ai peut-être passé l'information en pensant que c'était pas forcément utile. Mais voilà, il n'y a pas... Il y a un rétablissement possible de la végétation et donc de la vie faune dans ces zones, mais sur 20 ans, peut-être que ça prendra beaucoup plus de temps, il n'y a pas de rétablissement complet de la communauté d'oiseaux qui a été observée dans ces zones. Oui. Après, c'est pas étonnant, parce que c'est sûr que une forêt amazonienne comme celle qu'il y a là-bas, ça se refait pas en 20 ans. Donc c'est pas étonnant non plus. Comme tu as dit, il y a une succession clairement écologique pas à prendre en compte. Il va falloir un peu de temps pour ces oiseaux, pour qu'ils reviennent. Exactement. Bon, écoute, succession écologique, hein, ça peut prendre une centaine, 150, voire 200 ans pour se mettre en place. C'est très long, hein, les successions écologiques. Et c'est un cycle. Une fois que vous avez votre forêt qui va s'installer, on va avoir un cycle par la suite qui va se produire lorsque, par exemple, la forêt va être ravagée par un incendie ou il va y avoir une tempête ou des arbres morts vont tomber. Eh bien, vous allez avoir à nouveau ce cycle qui va reprendre, ce qu'on appelle donc en écologie la succession écologique. Et c'est ce qui mène grosso modo de la pierre nue à justement la forêt que vous avez sans doute de par chez vous. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, parce qu'effectivement, maintenant, on a du bois de production, donc on n'atteint pas ce qu'on appelle le stade climatique, c'est-à-dire le dernier stade avec les forêts les plus anciennes, avec des arbres centenaires, voire millénaires des fois. Voilà, c'est... Les arbres millénaires en France, je ne sais pas s'il en reste beaucoup. Je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je sais qu'on a des arbres centenaires, ça c'est une certitude. Oui, ceux-là, oui. On en a un d'ailleurs. Alors, on en a un d'ailleurs dans ma ville, voilà. Millénaires peut-être. Bah, en tout cas, voilà, ça peut durer longtemps, en tout cas, certaines forêts. Donc voilà pour cette étude dans les mines. Est-ce que Sophie, tu parlais tout à l'heure de mines présentes en Afrique du Sud, peut-être dans d'autres parties d'Afrique. Est-ce que il y a des études, des recherches qui ont été menées aussi sur les conséquences que peuvent avoir ces mines sur la vie faune ou sur la biodiversité en général? Les conséquences, il y en a toujours, mais là, comme c'est des mines qui ne sont pas à ciel ouvert, c'est des mines où il faut descendre, comme tout le monde... On a l'habitude de cette image de la mine où il faut descendre dans un puits avec une sorte d'ascenseur plus ou moins brinque-ballant et arriver au fond pour ensuite creuser. C'est exactement le type de mine qu'on a ici du côté de Johannesburg et en Afrique du Sud en règle générale. Il n'y a pas grand-chose qui soit à ciel ouvert, ça c'était avant, c'est plus le cas aujourd'hui. Et du coup, dans ces mines-là, il n'y a pas énormément de choses à protéger. Les seuls trucs qui sont vraiment importants à protéger dans ces cas-là, c'est les ressources en eau, parce qu'il peut y avoir contamination avec les produits de la mine qui vont être utilisés pour récupérer ce que vous voulez récupérer, que ce soit de l'or, du platine, des diamants ou autre. Et vous avez des restes de différents composants chimiques qui vont être utilisés donc pour séparer tout ça et qui peuvent être dangereux pour la vie autour. Et dans ces cas-là, oui, il y a des études sur la contamination, notamment des ressources en eau à cause de ces choses-là. Voilà, on sait que c'est très dangereux. Mais par contre, pour les oiseaux, on n'a pas d'études spécifiques là-dessus. Moi, c'est ce que disaient en somme les chercheurs, hein, c'est qu'il manquait beaucoup de recherches sur ces effets-là. Peut-être que d'ici quelques années, on aura d'autres recherches qui seront menées là-dessus. Voilà. Peut-être. Peut-être. Sophie, c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Merci beaucoup d'avoir été présente. Merci à vous tous et à vous tous de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous pouvez retrouver les précédents épisodes et bien sûr toutes les plateformes de streaming. On rappelle également que vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, eh bien ça se passe ici. Et puis évidemment, hein, si vous souhaitez partager notre travail, faire connaître le Courrier de la Sterne autour de vous, eh bien n'hésitez pas. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Merci à vous tous et à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.